surface. Mes rêves sont plus anéantis en un instant, pas anéantis. Tout l'est pourtant si relax. Je m'exhibais sur les terrasses. Déjà tout valse autour de moi. L'argent me brûle. Se donne bien du mal pour rien. Encore un relevé débiteur, l'en bas de l'aile, et j'ai trop peur. Je m'engage ainsi dans une impasse. Je n'ose plus me regarder en face. Je me suis fait piéger comme un ton. Okay.